ton cœur va battre dans son coin, quand ta main s'endort dans ma main, quand le volcan s'est calmé, que nos yeux sont fermés, il reste encore à fatigué, il nous restera, je le sais.